Portrait d'assaut sur Fadjet. Le 7 juin, la salle de l'autre canal à Nancy accueillera le Blue Music Festival, un festival solidaire dédié à l'autisme. Ève Martinetto, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Asperger. Tout à fait. C'est une association que vous avez créée il y a quelques années maintenant, 2015 je crois. Oui, je l'ai créée en septembre 2015. Voilà. Alors, s'il fallait présenter l'association en quelques mots. Asperger, c'est une porte ouverte. C'est une association où on crée des activités autour de la musique, toujours ludique et créative. Et on travaille la communication non-verbale auprès de personnes, donc enfants, jeunes adultes et adultes confirmés d'ailleurs, porteuses du trouble du spectre autistique. On retrouve dans le nom de l'association plus vers le syndrome de l'autisme Asperger. Alors au départ, c'est vrai qu'à la création de l'association, je pensais surtout aux autistes Asperger, puisque je suis moi-même maman d'un enfant autiste Asperger et que j'ai été confrontée à des difficultés, notamment d'inclusion scolaire, d'inclusion aux loisirs. Et je me suis dit, il faut vraiment créer quelque chose où les parents et les enfants ne se sentent pas jugés, où on passe un moment de détente sans évaluation, sans recherche de performance. Et puis finalement, je me suis dit que se limiter à une facette du spectre de l'autisme, c'était déjà une forme de ségrégation et c'était déjà fermer la porte à plein d'autres personnes. Donc en définitive, on a conservé le nom, mais on a vraiment tout niveau de handicap au sein de l'association. Il y a énormément de formes d'autisme différents, des versions plus invisibles au quotidien que d'autres, d'autres très lourdes au contraire. C'est votre expérience personnelle donc, qui vous a amené à vous investir parce que vous avez décidé de créer une association. Il y a eu un déclic ? En fait, c'est survenu des années après. Mon fils est né en 2000 et on a mené un véritable parcours du combattant, pas dans la région Lorraine d'ailleurs, mais qui a duré quelques années, tout était un combat. L'inclusion, l'accès aux loisirs, aller au jardin d'enfants juste pour qu'ils puissent s'amuser, l'insertion sociale, la relation avec l'autre. Et on s'est senti vraiment mis à l'écart, pas forcément volontairement, mais en tout cas, on s'est retrouvé dans une dynamique, dans un système où on était mis de côté, et lui aussi par conséquent. La loi inclusion est survenue en 2005, elle est rentrée en application voire trois ans plus tard. Donc on était vraiment dans une problématique qui était pesante et très compliquée. Et je m'étais toujours dit que le jour où j'aurais à nouveau le courage d'entendre un enfant pleurer ou crier, j'essaierais de faire quelque chose pour amener du réconfort, pour aider les parents, pour accompagner ces enfants-là. Et je ne voulais pas en faire une profession. Donc, c'est vraiment une activité associative. C'est une démarche altruiste de ma part qui a grandi au fur et à mesure des années, puisque plein de gens tournent autour de l'association aujourd'hui et interviennent avec moi. Et ça m'a semblé tout naturel. Donc, 15 ans après, ça faisait un an que j'étais sur Nancy, j'ai parlé de mon projet parce que ça commençait à être de plus en plus présent, en tout cas dans ma tête. Et finalement, des gens m'ont permis d'avoir un local, de bénéficier d'infrastructures qui me permettaient d'aller au bout de ma démarche. Moi, l'une des seules choses que je sais faire, c'est de la musique et prendre du plaisir à le faire. Et c'était autour de ça, justement, que je voulais organiser les ateliers. Donc, un moment de partage, de communication autre qu'avec les mots et des sourires et de la joie et de la création. Donc, j'ai eu l'opportunité, grâce à la MAI, la Musique Académie Internationale à Nancy, de bénéficier de locaux au sein de l'école pour pouvoir créer l'association et démarrer l'activité. Le fait d'avoir ouvert cette parole, d'avoir échangé avec d'autres, de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul aussi, ça doit aider, ça ? Ça aide énormément. Et aujourd'hui, le regard est différent. Les gens ont compris que on ne peut pas attendre qu'il se passe des choses d'au-dessus et que les choses arrivent. Et des fois, il faut agir. C'est toute la démarche de l'association. C'est la force de l'associatif en général. Oui. Et donc aujourd'hui, vous n'êtes pas toute seule au sein de l'association. Vous êtes rejoint par d'autres bénévoles. Comment vous fonctionnez ? Je donne une journée de mon temps par semaine à l'association. Me concernant, voilà, il y a une journée dans ma vie où je ne travaille pas. Toutes les semaines, de manière récurrente. Et cette journée, elle est consacré à l'association. Donc, il y a des petits ateliers individuels d'une demi-heure. Et donc, je prends des enfants de 9h du matin à 19h le mercredi et on fait de la musique ensemble, des ateliers. À côté de ça, j'interviens aussi auprès d'autres structures, notamment une structure qui est sur le CPN de l'Axou. Alors en ce moment, l'activité est entre parenthèses parce que les patients sont en atelier de scénarios sociaux et réhabilitation sociale. Mais donc avec le CPN, on a organisé aussi des ateliers slam. Donc déjà poser des mots sur les mots. Donc on part d'un champ lexical et puis on va partir sur un texte qui est individuel à chaque jeune. Et on va faire un beatmaking, créer une trame musicale derrière et enregistrer le résultat. Et puis, on a des intervenants ponctuels et d'autres plus réguliers qui viennent à l'association. Par exemple, le parrain de l'association, qui est un artiste confirmé, qui n'est pas de la région d'ailleurs, vient très régulièrement jouer de la guitare, faire de la musique avec les enfants. Très régulièrement, plusieurs fois dans l'année, oui. En tout cas. J'ai un autre intervenant, un jeune guitariste très talentueux qui s'appelle Lucien, qui a 23 ans, qui est autiste Asperger et qui anime les ateliers, donne des cours de guitare au sein de l'association. J'ai une autre intervenante qui en ce moment est en déplacement prolongé au Japon, Isis, donc, qui est autrice-compositrice, qui joue de la basse et du piano et qui, dès qu'elle est sur place, anime des ateliers également. Donc on est une petite famille. Oui. Et voilà, on s'organise en tout cas autour des ateliers avec les enfants et les parents. Et la force de l'expression artistique via la musique pour tous ces enfants, pour tous ces jeunes, de quel âge à quel âge ? Jusque 18 ans à peu près, voire un peu plus ? Je crois que notre adhérent le plus âgé a plus de 50 ans. et puis ça démarre à 2 ans et demi. Et la force de cette expression artistique, alors vous la ressentez vraiment à chaque fois ? Alors, je la ressens à chaque fois et je l'ai déjà, dans un premier temps, ressentie en tant que mère. Oui. Parce qu'il y a un moment dans notre vie où on ne savait plus quoi faire, on ne savait plus comment faire. Et on est parti sur la piste de la musique. Et ça a déverrouillé plein de choses. Ça a aidé notre fils à appréhender plein de choses. Donc, on a vu, en tout cas, qu'il avait une réceptivité particulière au son, à la musique. Et on a vu que ça fait avancer beaucoup de choses. Autant au même rang que l'orthophonie, l'ergothérapie. Ouais. Vraiment, c'était flagrant. Et aujourd'hui, ben avec les enfants, on le vérifie encore. Déjà, le stress, à partir du moment où ils entrent dans la pièce, le stress retombe. Il n'y a plus de tics. Il y a des enfants qui sont vraiment envahis par des tics et qui ont des postures, en tout cas, et des gestuelles qui sont très évocatrices du handicap. C'est très visible. Et déjà, quand on commence à pratiquer la musique ensemble, ça disparaît. Et puis, les années. J'ai des enfants qui sont rentrés à 2 ans, qui aujourd'hui vont avoir 10 ans. J'ai aussi un jeune adhérent qui a commencé à la fin de l'école primaire en CM2, qui a eu son bac l'année dernière. Ben, le petit Mathis, peut-être que vous avez vu passer dans le journal, je me battais pour lui trouver un stage d'ailleurs. C'est génial parce qu'en plus, je les vois grandir. Donc, c'est super. Vous allez organiser prochainement un festival, hein, le Blue Music Festival. On est dans le cœur de votre projet associatif. Complètement. Déjà, il me semblait important de faire une action qui touche le plus grand nombre. Et une action qui sensibilise à l'autisme, qui explique un petit peu que chaque personne, chaque jour, peut croiser une personne TSA. Et qu'il faut savoir être tolérant, comprendre, se mettre à la place des gens et avoir cette capacité d'adaptation qu'on demande aux personnes porteuses de handicap et qui devraient être toutes naturelles pour les personnes neurotypiques. Donc, le premier motif de cette action, c'est vraiment la sensibilisation et le partage. Je suis partie, en fait, sur le projet de faire découvrir des artistes de la nouvelle scène locale, d'une part, et d'autres artistes qui viennent d'un peu plus loin, et de les faire se rencontrer aussi sur scène avec des adhérents de l'association, parce qu'il y a l'affiche et il y a aussi... tous nos petits protégés qui vont monter sur scène, les intervenants aussi qui vont se prêter au jeu également et qui vont y aller de leur instrument et leur talent. Et cette démarche, donc, elle a pour but d'une part la sensibilisation, d'autre part, on va être très clair, de récolter des fonds pour pouvoir justement continuer à maintenir les ateliers, renouveler le parc d'instruments de musique, organiser des sorties et des rencontres et peut-être... un voyage aussi avec les adhérents, en tout cas une sortie à thème. Et une partie des bénéfices part aussi chez ETED, qui est une structure qui accompagne les jeunes adultes autistes dans leur quotidien pour l'insertion sociale, pour la recherche d'activités professionnelles, pour l'autonomie. Et ils font énormément au quotidien. C'est une unité mobile. Ils se déplacent aussi chez les gens, dans les familles, pour travailler avec les familles, main dans la main. Ils m'aident beaucoup, moi en tant que parent déjà. Et puis, on collabore ensemble en tant que structure. Donc, ça m'a semblé tout naturel d'organiser un événement qui soit pédagogique et qui aussi nous permette d'aller plus loin. On va y revenir justement sur cet événement qui va se dérouler le 7 juin à l'autre canal à Nancy, le Blue Music Festival. Mais avant cela, on va écouter une musique, le parrain de l'association Arspenger. Et c'est Daniel Fernandez avec le titre Le Tango des Enfants. Pourquoi ce titre ? Alors pourquoi ce titre ? Bah parce que ça parle des enfants qui courent dans les flaques d'eau, du temps de l'enfance, du beau temps passé. Et je trouve que c'est très représentatif justement de ce qu'on vit au quotidien dans le cadre de l'association. Courir du lundi au lundi, oui, oui, oui, oui. Souffrir des sourires qu'on n'a pas le temps de cueillir. Pas le temps de laisser mûrir. Polir les pointes et les piques, oui, oui, oui, oui. Se suffire à voir venir, construire son avenir. La peur de se salir. Où est passé mon temps, le temps du tango des enfants? Où l'on jouait au sous-marin, dans l'océan de son bain. Passer mon temps, le temps du tango des enfants, où l'on tournait, où l'on tournait, cherchant l'ivresse innocente. S'assombrir quand ton ombre semble te dire oui, oui, oui, oui, il serait temps de me trouver de la compagnie. Pas le temps, pas le temps, pas le temps de s'ouvrir. Frémir, quand la belle t'inspire, oui, oui, oui. C'est le moment de la saisir. Ne la laisse pas partir. Pas le cran, pas le cran, pas le cran d'agir. Où est passé mon temps, le temps du tango des enfants? Où l'on jouait au funambule entre le trottoir et la lune. Soupir. Soupir, oui, mais qu'est-ce que je donnerais, je me tannerais pour être encore une fois quelques heures le roi des voleurs, même si ça n'était pas pour de vrai. Courir du lundi au lundi, oui, oui, oui, oui. S'offrir des fleurs qu'on n'a pas le temps de cueillir, pas le temps. Pas le temps, pas le temps de vivre. Donde pasó el tiempo del tango de los niños. Cuando jugábamos al submarino en el océano del baño. Innocente. Donde pasó el tiempo del tango de los niños, où l'on jouait au sous-marin dans l'océan son bain. Où est passé mon temps, le temps du tango des enfants? Cuando jugábamos al submarino en el océano del baño. Donde pasó el tiempo del tango de los niños. Cuando jugábamos al submarino en el océano del baño. Le tango des enfants par Daniel Fernandez, c'était le choix musical de notre invitée aujourd'hui, Eve Martinetto, présidente de l'association Arspenger. Le 7 juin, donc, la salle de l'autre canal à Nancy va donc accueillir le Blue Music Festival. Eve Martinetto, présidente de l'association Arspenger, c'est une première édition ce festival? Tout à fait, c'est une première édition avec un plateau plutôt riche et très éclectique qui, je l'espère en tout cas, va plaire à tous les publics qui viendront à ce festival. Un festival solidaire dédié à l'autisme. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce festival ? Plein de choses. J'aime tellement de choses différentes. D'une part, et j'aime beaucoup la musique et je travaille moi-même dans le milieu de la musique. Voilà, je suis intervenante à la Musique Académie Internationale. Il y a plein de choses qui valent la peine d'être découvertes. Porter mon choix sur un seul groupe, organiser cet événement sous la forme de concert, c'était très compliqué pour moi, ça me brisait le cœur parce que j'aurais voulu faire jouer 50 groupes. Mais c'est pas possible. Ils seront 5 déjà. Là, il y a déjà 5 groupes. En fait, le festival donc commence le 7 juin à 18h. À 18h, il va y avoir un temps de rencontres et d'interventions de parents, d'intervenants aussi, qui vont présenter les associations justement concernées par ce festival et qui vont un petit peu parler du quotidien et des difficultés, des belles choses aussi qui existent, en tout cas sur Nancy. Et ensuite, on va avoir une première partie assez courte où ce sont les enfants et les intervenants qui vont donner, au travers de 3 ou 4 morceaux de musique, en tout cas, leur version du festival. Des enfants que vous accompagnez régulièrement au sein de l'association. Voilà, des enfants et des jeunes adultes qui sont accompagnés au quotidien dans le cadre de l'association. Donc ça va être un petit peu la première partie, la mise en matière. Le parrain aussi, d'ailleurs, qu'on vient d'écouter, va également jouer quelques morceaux de musique. Daniel Fernandez, c'est ça. Tout à fait. Et ensuite, nous allons avoir 3 groupes, donc, qui sont des groupes d'élèves de la MAI. Rosalie, Corentin et Rare. Donc, eux sont encore élèves à l'école et ils ont eu la gentillesse de se proposer pour ce festival. Donc ça, c'est la partie aussi solidaire de la part de l'école, des élèves. Tout le monde met la main à la pâte. Corentin, c'est de la chanson pop, très actuelle. Rosalie, c'est tout un univers coloré, c'est mélodique, c'est mystique même parfois. Elle a une voix incroyable, c'est extraordinaire. 2 jeunes artistes à suivre. Et Rare, donc c'est un groupe de rock mené par Anna Lopez, qui est une chanteuse qui a fait The Voice il y a 3 ans de ça. Okay. À l'époque, elle avait les cheveux bleus d'ailleurs, si je ne m'abuse. Elle a fait son petit bout de chemin et finalement, enfin, c'est une rockeuse dans l'âme. Et Rare, donc on est vraiment sur du rock. On est plus chez Trust ou Sex Pistols que chez Téléphone. D'accord. Donc on est vraiment sur quelque chose de très rock, mais c'est pareil, c'est extraordinaire. Ce sont les élèves volontaires de la MAI qui viennent bénévolement justement intervenir au sein du festival. Et ensuite, nous avons le groupe Oblique, qui est là par contre un groupe nancéen qui est déjà plus ou moins implanté sur la scène locale et la scène régionale. Donc là, on est sur du rock avec des teintes un peu électro, un peu trap, avec une chanteuse qui chante extraordinairement bien. D'ailleurs, bon, je fais de la pub, 2 EP sont en circulation, To the Depths et By the Shore. C'est vraiment 2 très beaux opus. Et enfin, on va terminer la soirée avec James Gravity. Alors James Gravity, c'est un jeune auteur-compositeur qui fait de la musique électronique, qui a fait ses armes à la MAI il y a quelques années. Et qui aujourd'hui est le compositeur de Pascal Obispo, qui a composé le dernier album de Pascal, Electro Obispo notamment. Et donc, il fait de la musique électronique. C'est avec lui qu'on va clôturer cette soirée festive et musicale. Pour organiser un tel festival à l'autre canal, comment ça a été rendu possible ? D'une part, j'ai été énormément soutenue par la MAI, qui m'a justement aidée à compléter le plateau artistique, qui me permet d'avoir accès aussi à un choix de jeunes artistes qui est extraordinaire. Donc ça, c'est la première chose. Ils sont vraiment très régulièrement à nos côtés. Et deuxième chose aussi, c'est que je voudrais vraiment remercier Bruno Bérard, chargé de l'action culturelle à l'autre canal, oui. Sans qui il aurait été très compliqué à l'association de pouvoir bénéficier de cette salle. C'est des gestes comme ça aussi qui nous permettent de pouvoir organiser et maintenir des actions à grande échelle. Et qui vous montrent que l'association a bien son rôle à jouer au quotidien pour tous ces enfants. Tout à fait. Le 7 juin, c'est à l'autre canal, c'est à partir de 18h, ça s'appelle le Blue Music Festival. Un festival qui en appellera peut-être d'autres après, vous imaginez déjà, vous aimeriez que ça se reproduise tous les ans ? J'aimerais que ça soit un rendez-vous, que ça soit une date qui rassemble le plus grand nombre au travers d'une place de concert qui va permettre au public de découvrir la nouvelle scène locale. Il y a une bonne action. L'argent récolté va pouvoir permettre de financer vos actions au sein de l'association ? Complètement. Ça va permettre à Artsberger de financer ses actions et ça va permettre à ETHED aussi de continuer sa démarche d'accompagnement. Qui est une association aussi ? Alors, c'est ETHED à deux parties. Il y a le service hospitalier, donc là, qui appartient au CHU. Mais il y a une AEIM, donc associative, qui, elle, œuvre au quotidien. Et donc, oui, eux vont être aussi bénéficiaires de cet événement. Au-delà du fait de passer une super soirée d'échange, de bonne humeur avec nous tous, d'écouter, moi j'ai écouté, j'ai auditionné de la super musique, en plus on fait une bonne action. Voilà, la place de concert, c'est vraiment une action forte au bénéfice justement de ceux qui en ont besoin. Et c'est là que le public justement entre en action. Du côté des tarifs, c'est 18 euros pour le tout public, c'est 12 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà. Et par contre, pour les bénéficiaires personnes porteuses de handicap, il y a un tarif préférentiel sur le site d'Eloasso. Voilà, on peut déjà acheter ses places. Acheter ses places sur Eloasso, donc sur la page du Blue Music Festival. La billetterie est ouverte. Il y a aussi un événement sur Facebook. Il y a donc une page Blue Music Festival avec l'événement où on peut réserver son billet directement via la page Facebook. On peut passer aussi par la page de l'association, donc la page de Artsberger, ARTSPERGER. Donc toujours sur Facebook, n'hésitez pas. Un rendez-vous pour se sensibiliser autour de la question de l'autisme. C'est un festival solidaire dédié à l'autisme, le Blue Music Festival, le 7 juin. Et est-ce que vous avez déjà d'autres projets pour cette année avec l'association ? À partir de septembre, j'aimerais embaucher pour justement pouvoir augmenter l'amplitude horaire et journalière de l'association de manière à pouvoir recevoir les gens qui sont sur la liste d'attente. Car malheureusement, la liste d'attente pour pouvoir bénéficier des ateliers de l'association commence à être un petit peu longue. Oui. Donc là vient la nécessité d'embaucher quelqu'un. Ce qui est compliqué d'ailleurs, puisque la démarche de l'association, ça c'est une chose que je n'ai pas précisée, c'est qu'on ne veut pas impacter financièrement les familles. Quand moi j'ai été confrontée au handicap de mon fils, on me proposait plein de solutions miraculeuses à 50 euros la demi-heure. Hein. Ça ne manque pas. Mais c'est pas la solution. Les parents, ils renoncent à travailler. Il y en a qui sont obligés de démissionner, qui ne peuvent plus mener une activité normale, qui n'ont plus de vie sociale. On ne va pas non plus les saigner financièrement. Donc, en réalité, pour adhérer à l'association et bénéficier de cette demi-heure d'atelier hebdomadaire récurrente pendant un an, les familles ne payent que 65 euros pour une adhésion annuelle. Oui. Et c'est tout. Donc, c'est bien, mais ce qui complique la tâche, c'est que pour embaucher du monde, c'est compliqué. Donc, vous avez besoin de soutien financier aussi extérieur ? On a besoin de soutien financier, ça c'est une évidence. Et j'espère justement aussi pouvoir commencer à embaucher une personne, ne serait-ce qu'un mi-temps, pour ouvrir une demi-journée de plus dans la semaine, enfin un mi-temps, au moins payer quelqu'un une demi-journée toutes les semaines pour pouvoir... Une demi-journée, c'est 7 enfants. Donc, ça veut dire que je peux faire rentrer cette personne sur la liste d'attente. Donc, ce serait extraordinaire si je pouvais le faire. Pour soutenir l'association, il y a plusieurs possibilités. LOSO, bien sûr, venir à ce festival le 7 juin à partir de 18h à l'autre canal. Et on retrouve toutes les infos, bien sûr, notamment sur votre page Facebook, Artsberger54. Merci beaucoup, Eve Martinetto. Merci à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.